soir, vous êtes à l'écoute de Fraîcheur Radio Communautaire KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. And the program you're going to hear is Bonjour Minnesota. Alors bonsoir, bienvenue de retour. Bonjour, Olaf, bonjour. Et bonsoir Dana. Bonsoir Caroline. Frédéric n'est pas ici. Non. Mais journée de congé. Journée de congé. Voilà, c'est ça. Nous trois. Alors, vous avez profité un peu avec ces tempêtes? Moi. Pas exactement. Non. On dit qu'il y aura encore de la pluie ce soir, après minuit. Mm. Bon, dans ce cas-là, il va falloir qu'on finisse avant minuit. Bien sûr. Heureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme musique cette semaine? Mais c'est le vent, et le vent recommence dehors. C'est vrai, dehors. Mais la musique, on a un programme de musique 100% français avec... Un peu variété, des variétés. Bien sûr. Mais commençons avec une chanson. Bien sûr. OK, on y va. Bon, avec... C'est RFI qui commence à... Il nous envoie des... Fournit. De la musique. Mm-hmm. Et puis là, donc, évidemment, le 100% français arrive tous les mois. Et le Méli-Mélodie, qui sont des chansons un peu thématiques et des classiques surtout, ça arrive tous les deux ou trois mois. Ça dépend de l'année. Mm-hmm. Et finalement, on a aussi, peut-être, on va sans doute pas y arriver à les jouer, mais il y a aussi le playlist où il donne une très grande sélection de différentes chansons et des artistes. Et surtout avec ça, c'est surtout des promos ou des labels privés ou labels de l'artiste, de sorte ils essaient de monter quelque chose, mais ça, on va l'avoir plus tard. D'accord. Nous allons commencer la soirée avec des chansons de Esquelina. La première s'appelle La Verticale. Deuxième s'appelle La Merdeuse. La troisième, c'est Maya. On y va. Dans la colonne vertébrale, le regard à l'horizontale, debout sur un piédestal, formant un angle droit. Tenons bon la verticale devant le règne animal. Tenons bon la verticale, gardons notre sang-froid. La flèche qui pousse entre les doigts de nos chasseurs vise le cœur, transperce la peau. Prenons la chair, tenons bon sur le cheval et par la force du mental, le sauvage s'apprivoise. parfois je n'ai pas le moral. Quand j'ai rendez-vous avec ce bon spleen, soit que je me sente encore coupable, soit que je me sente toujours victime. Quand vient le retour de mon animal, ce rongeur croisé avec une fouine, et que je reçois au fond de la salle, en nous servant un verre de gin. Les emmerdes me donnent envie de boire et boire me donne envie de boire et boire. Ça me rend emmerdeuse avec n'importe qui. Je fais n'importe quoi, qu'importe quand. Tu me reviendras, j'aurais vécu sans toi. J'aurais vécu sans toi, ni loin. Que je me sente coupable, je me sens toujours victime. Et toi, comment te passes-tu de moi? Comment te passes-tu de notre idylle? Mon darling, les doutes que j'avais quelquefois m'ont rendu tellement fragile. Les emmerdes me donnent envie de boire et boire me donne envie de boire et boire. Ça me rend je m'appelle Maya et je vais bientôt avoir 12 ans. J'habite chez ma mère, chez Thomas et mon petit frère, dans le 19e arrondissement. Des week-ends et semaines pères, j'habite chez mon père et Capucine, dans un joli village normand. J'ai un chien, j'ai un jardin avec des poules et deux moutons de Ouessant. Ma famille s'est décomposée, puis elle s'est recomposée. Une moitié à Paris, une autre à la campagne, et la ligne de train de Saint-Lazare, où je fais le trajet d'un bout du monde à l'autre bout du monde. D'un bout du fil à l'autre bout, en suivant le calendrier du tribunal de grand. À Paris, j'ai des cours de hip-hop et je suis en sixième au collège Henri Bergson. Ma meilleure amie s'appelle Louise et on se dit que les grandes personnes feraient bien de grandir et d'apprendre à se dire je te pardonne. Comme nous avec Louise, quand on se dispute, Je m'appelle Maya et je vais bientôt avoir 12 ans. J'habite chez ma mère et j'habite chez mon père, mais je n'habite plus chez mes parents. Ma famille s'est décomposée, puis elle s'est recomposée. Une moitié à Paris, une autre à la campagne et la ligne. All right. Oh. You want me to tell about mm-hmm. her? Well, that was Escalina, and I think she's just a wonderful voice. She is Swedish. However, she has been living in France for some 17 years. She's an interesting woman. I think she sounds a lot about Emily. She sounds like Emily Loiseau. And she tells in her music about her desire to live her life as a strong woman. She talks loud, she does what she wants, and she stays with the men that she wants. Kind of a bohemian type. Escalina. And the first song was La Verticale, and the second one was La Merdeuse, which is, in French, is not gross, but it means, the annoyer. The annoyer, yes. Yeah. The I suppose pain so. In the neck. Pain witch with neck. A B, huh? Yeah. Mm-hmm. Pardon? A witch with a B. Yes. and the last one was Maya. Escalina is her name. And the interesting thing is she has no accent. I mean, no Scandinavian accent. So if we didn't know through RFE that she is Swedish. I couldn't hear her accent. You wouldn't. You'd think she is. Could you? Either of you? Petite Française. She mm-hmm. could be. I like it. What's next? C'est quoi le prochain? Les prochaines chansons? Mm-hmm. Eh ben, alors, on verra. Okay. La Louis Piscine avec Les Vacances. Ah oui, c'est... Here we go. Like many of you are taking vacation now. The kids are out of school. On y va. La Vacances. La Vacances. Demain je viendrai te chercher à la gare au train de midi 52. J'ai regardé la météo, il fait beau, on pourra se baigner dans la piscine. Tu poseras ta valise et tu regarderas le bord de mer. Tu inspireras le parfum des fleurs, la douceur de l'air. La plage où le soleil tape dur, je voudrais plonger à l'infini à l'intérieur de tes yeux couleur azur. C'est pour toi les vacances, c'est tu flirtes avec la liberté. C'est pour toi les vacances, c'est pas d'importance. Tous les deux dans cette boîte noire en transe, on danse jusqu'à la fermeture du bar. Yeah. C'est pour toi les vacances, c'est une fleur avec la liberté. C'est pour toi les vacances, c'est pas question de penser à la rentrée. Pas question de penser à la rentrée. Pas question de penser à la rentrée. Yeah, yeah, yeah, yeah, j'ai les résultats d'analyse de votre grand-mère. Il faut que je vous précise, ils n'ont rien d'inquiétant. Au niveau des globules, il y a des rouges et il y a des blancs. Au niveau des plaquettes, impeccable. Par contre, votre grand-mère, elle a trop duré. Mais avec un bon traitement, elle tiendra encore longtemps. Votre grand-mère, elle a trop duré. Traitement, elle vivra jusqu'à 100 ans. J'avais une idée de titre pour le disque, ce serait Hippotame. Hippopotame. Oh, oui, on peut mettre le nombre de popos qu'on veut, ouais. Moi, j'ai un autre nom pour mon disque. Vas-y, c'est quoi? Pas les Are you one of 450 valued KFAI volunteers who contribute in fulfilling over 25,000 volunteer hours annually? Do you know just how much we love you? If you receive the monthly newsletter, you do. The most up-to-date volunteer notifications are available to you in a monthly digest, including volunteer interviews, KFAI community involvement, and opportunities to get involved at the station. Sign up today by emailing volunteers@kfai.org to be a part of the love. Well, you heard right there was a song called The Vacation by a singer named Louis Piscine. He sounds like somebody in Italian or French cinema from the 70s who was there. You're looking at a picture of him. He's got that leather jacket way back when, a little mustache, and leather pants, don't you remember when the guys used to remember those? And he's talking all about the vacations coming out. And he too sometimes uses that high voice. Parlons des vacances en France. Do you have some great summer vacation stories in France? Do I? Mm-hmm. Des moments, des endroits, des... Once going to Corsica, that was really beautiful. Wow, that's great. Mm-hmm. How about you, Olaf? Oh, we went to... Well, you travel a lot, didn't wherever you? Wherever you can go. I mean, let's see, what's... One of the more interesting was in the Alps, in Mont Blanc, near Mont Blanc. And two of our friends were actually guides, mountain guides, and they were berating some people who came and wanted to walk up the Mont Blanc in street shoes and stuff like this. So, but anyway, I mean, it was a very the scenery is extremely nice, and then simply passing through that part of France is Grenoble and other towns in this Chamonix. Region. I've been there. It's very nice. And then, of course, the other thing are the Roman cities, Arles. With the city. They still use those amphitheaters. They still use them, yes. They use them for modern concerts and plays. So, and then the aqueduc. The Pont du Gard. Pont du Gard. So that's... Still in use. A couple of thousand years old. Yes, yes. Oh, yes. This is Roman quality civil engineering. Of course, I remember driving in one of those Roman cities, and it was so very, very narrow on the car. There was probably like an inch and a half on each side of the car. So you had to be a good driver. One of my most memorable vacations in France was we went kind of all over, but we had our first stop in Normandy. Quelle ville? Rouen, first of all. That was close enough where we could drive in from the airport and catch up on the sleep a little bit. And then we went on to Bayeux. An absolutely wonderful town. Great cooking. And the tapestry. Ancient. The tapestry, yes absolutely. Tapestries showing the conquest by William the Conqueror of England. Very, very, very interesting because they even show when they had the comet, Halley's Comet. Yes, they have. Went through there. Have everything. But the thing that interested me most in this series of tapestries is they knew what the priorities were. So you saw boats being loaded with spears and weapons and so on. But then they had a boat where there were rolling wine barrels on the boat. So they didn't lose their sense of tasting wine. Now this was the conquest took place in 1066. Yes. At the Battle of Hastings, when William the Conqueror crossed the channel almost, yep. And won over the British Isles, throwing out the French king, Edward. And then the tapisserie de Bayeux was made in 1300s. Oh, so yes. Several hundred years later. Yes. It's not really an embroidery, although they call it that. Mm-hmm. Hmm. All right. Well, great vacation ideas for French travelers. Mm-hmm. I know I have great memories of going to Giverny, to Monet's garden several times. Oh, yes. And going to that cemetery. I don't know that many people know to go to the cemetery there. Where, in Giverny? Mm-hmm. There's Monet's gravestone there as well. And another great trip was on to La Rochelle and Île de Ré on the coast of the Atlantic. You have all the movie stars coming over. Oh. Unfortunately, we didn't have a nice amount of money to rent a place, so we stayed at the camping ground called Hollywood Camping. It was bad. Experience. Vraiment bonne experience, mais il y avait des VIP qui sont arrivés en Isère. Non, non, mais moi, nous, c'était surtout en deux chevaux. Deux chevaux. Ma voiture préférée, absolument préférée. My French friends called it the deux pattes. Oui. Two paws. Hmm. Well, I should announce the second number you heard. It was by Gérard Gentil, Trop Duré. And this was his fifth album. Initially, it was to be about death. But it completely changed over. His two children were completely uncontrollable, and they were banging on the doors and talking. And finally, the father, Gérard Gentil, decided to put the kids on the record. And so you hear a little boy say, "Ipopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop songs included, children's songs. Cool. What's up next? What's up next? Well, nous avons Carmen Maria Vega, qui vient du Guatemala, et elle va vous chanter Le Grand Secret. On y va? Oui, tu veux écouter deux? Ou, pourquoi pas? Bon, alors, si, après cela, c'est de la Belgique, c'est Buddy Murphy, un mot, Le Temps des Sifflets. On y va? Mon identité quelque part en Amérique latine, c'est un secret qu'on a bien gardé pour me protéger, oui, mais de quoi? De mon identité. Du grand océan, j'ai grandi et j'ai changé de nom. J'ai même de vrais parents planqués dans une maison en bord de forêt. Mais je ne connais I'm mais elle n'était pas restée là-bas. Elle habitait pas si loin de chez moi, juste de l'autre côté de la forêt, et ce depuis des années. Alors je suis rentrée, mais je ne connais toujours pas. Non, je ne me connais pas. Non, je ne connais toujours pas le secret de mon identité. Oh, oh, de mon identité. Oh, oh, shift into cruise control every Monday night from midnight to 2 a.m. Let Mason Butler be your guide through the smooth side of jazz, funk, yacht rock, sweet soul, and AOR disco. Enjoy 2 hours of mellow grooves from the 70s up to today on Cruise Control every week here on KFAI. Cruise Control, smoothness without boundaries. Tes grains de lueur et dans tes eaux venues, aussi loin nous souviennent, nous t'avons attendu, et souvent deviné, tu portais des printemps, nous cherchions un été. Tu sondais nos regards, amante délaissée, enfant d'orpheline, as-tu un jour douté? Nous t'avons attendu, tant espéré, te voilà revenu. Nous t'avons attendu, mais jamais détesté, jamais nous l'avons cru. Au creux de ces années, mais nos pierres, nos mains, nos fers et nos bruits, nos torses bombés dans leurs fiers treillis, nos vides, nos craintes et nos peurs enfouies ne peuvent plus attendre de rallier ton cri. Nous t'avons attendu, l'histoire t'avait perdu, mais l'oubli t'a trouvé. Les sangs sont passés, les tigres sont vaincus et les dents repoussées. Nous avons attendu au bout des amnisties et des encres passées. Nous t'avons attendu au bout de l'amnésie des pages, enfin tournées du creux de ces années. Calme s'étire, le triomphe est complet. Pour ceux qui chantent les armes, c'est le temps des sifflets. Six and seven. J'ai bien aimé, c'était... All right, so we heard Le Grand Secret, The Big Secret, by Carmen Maria Vega. And the temps des sifflets by Billy Murphy in one word. And le temps des sifflets is a song about kids and about, the time you want to, what will you say? Whistle? Siffler quelqu'un means to call them down or call them or... Is it whistling at? Yeah, whistling, but in a sense, I mean... Flirting? Pardon? Is it flirting? No, it's simply... It's calling someone in a particular way. Mm-hmm. And the one famous word is that of Sacha Guitry, who was asked why he didn't have a telephone even. This is before. And he said, "Je ne veux pas être sifflé comme un domestique." So he didn't want to be called and be at the attention of the telephone. Mm-hmm. So, just like people disconnecting now from their smartphones. Yeah, exactly. Really? Mm-hmm. Well, maybe they keep getting all these terrible ads and robocalls. Oh, horrible. Bon. What's next? C'est quoi la prochaine chanson? Eh bien, la prochaine, c'est par quelqu'un qui s'appelle Soan, S-O-A-N, celui qui aboie. Ben, pour moi, ça doit être le chien. Hein? Mm-hmm. Well. Et on verra. Et suivi par cela, c'est... Matamata. Marée haute. On y va. Il arrive un peu comme il vient, il est pas là pour toi. Il a tout le temps qui convient et c'est pour ça qu'il boit. Fais pas celui qui n'en sait rien, ou je fais celui qui aboie. Il arrive un peu comme il peut, il est pas là pour eux. Qu'on les trouve en face des yeux, ni les pieds en face des pas. C'est dans le miroir que je guette la gueule cassée qui vit chez moi. Sur un courant d'air, nous étions de mes par éclats. Et moi je ne sais pas y faire, et tu ne passes pas de foi. À quoi bon l'art sans la manière? Sophie, ça ne me suffit pas. Devant eux, les lutins se pressent et s'accrochent autour de leurs doigts. Ça fait des voix pour l'allégresse, une pièce ou bien l'opéra. C'est pas la nuit qui t'envenime, c'est la morsure qui te perdra. J'ai volé pendant des années, au-dessus de tout soupçon, bouffé à tous les râteliers, pour le bien de la nation. J'étais l'élu, le magnifique, jeune loup dans le Gotha, le joyau de la République. J'étais le garant de vos lois, et voici qu'on frappe à ma porte comme l'animal que l'on débusque. Pourquoi me traiter de la sorte? De quoi m'accusait-on au juste? Quelques détournements de fond, fiscalité frauduleuse, les erreurs de facturation de mes heures les plus généreuses. J'aimerais bien rester encore un peu, mais il semble que ces messieurs attendent des aveux. Je reviendrai, les tempes grises, la tête haute. Vos cerveaux lavés du souvenir de mes impardonnables fautes. De mes cendres, je renaîtrai, je serai le phénix de ces hôtes. Quoi qu'il arrive, je reviendrai à marée haute. Faiblesse pour vos confiances, j'en ai usé, abusé, j'ai partousé dans la finance, vous pesant de force de gré, devant les juges incorruptibles, ma vérité éclatera, et si la morale est sordide, dans quelque temps on en rira. Je naviguerai bien, encore un peu, de compte en Suisse en contentieux, que l'on oublie un peu. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. All right, what was that? Well, Matmata. Soin, d'abord. Mm-hmm. What was it, Olaf? Soin, S-O-I-N. That was the bluesy one. That celui qui aboie, the one who barks. And he sings about, the one who barks, and then he's seeing himself in the mirror and barking, and then at one point he says, but the morsure is the bite, I mean, is going to weigh. So it's a very funny kind of song about being bitten, and but being bark and being barking, and the one who barks, obviously somehow or other, gets ahead. The next one was a song by Mata, and it sounds very much like Hindu-Indian or something like this. But anyway, it was perfect French, and it's Marée Haute, High Waters, or High Tide. No. High tide. But so he sings about high tide, and whatever happens, he will be back when the high tide comes in. It is impressionant when the high tide comes in at Mont Saint-Michel. Have you been there? Oh, yes. That's very impressive, beautiful. Yes. Unfortunately, I woke up at 5 in the morning to take pictures because I thought there weren't any tourists at 5 in the morning. That's when the German tour buses were arriving, so I couldn't get the perfect shot. Dommage. Well, it is quite crowded. Mm-hmm. Well, fascinating views. Apparently, before they did repairs on the Mont Saint-Michel up Normandy, Brittany, the tide came in so fast that a person on a horse could not outrun it. That's amazing. Yep. Yes. And there used to be drownings, and pilgrims came there, and they'd perish in the quicksand, too. Yeah, I've heard of that. Yes, exactly. And woman and her children were out walking in that quicksand and vanished because of it. Scary. Well, they did make some repairs so you could park out there. Mm-hmm. And the trouble is... Hmm? Yes, you could park and then walk. Until in. The tide, yes. But the trouble was the tides did not clean out the bay enough. And so I don't know if they've done it yet, but they're talking about restoring it to the original state where the tide would sweep in at very rapid speed. It's very rapid in the near Mont Saint-Michel. There is a tidal power station, in where they What's use that? Well, they use the tide coming in to run. As it comes in, it runs turbines in one way, and then when it goes out, it runs them the other way around. And produce electricity. And it's one of the few tidal works in Normandy or in France. I wonder how much population it can power with that. It's fairly natural, I think, force. Fairly large. And it's since the tides are more or less predictable. I mean, but of course, it's not a very, very big thing. Huh. Interesting. France, of course, is still relying a lot on atomic energy. So, I remember when I visited the Mont Saint-Michel, seeing the method they had for bringing heavy objects up onto the top of the abbey. There would be men in large wheels, like squirrels, and they would have to walk in this big wheel to turn it to make the lift go up for carrying heavy objects up, like well, a supposed then they were hungry enough to go to La Mer Poularde. For the omelette? For the omelette. Famous omelettes. Famous. Did you have one? Yes. Was it fantastic or not? One. Yeah, very nice. I mean, yes. I didn't want to spend the money for it. It was expensive. Stand in line for an omelette. But it's supposed to be fantastic. Yeah, it's. They use copper bowls, and they hand whip them. And those. And then they fluffy. Call it? They fry it. No, do you fry it? Saute. So you saute in long pans with long handles that they were hanging over or holding over. Over ember, I mean over fire. Open fire, yeah. Mm-hmm. C'est exactement comme chez moi. I have the same frying pan, except for I do not have the Moviel copper bowl. Okay. But I do whip everything by hand myself. But okay. And I oh, do have do. The saute pans that are copper, but the Moviel copper whisk bowl is yet to be added to my arsenal. Oh, Dana, one day. What about our little mystery dish for this beginning of the springtime area? Do you have a special springtime dish you love? I will. I just want to do a quick shout out because we do have a listener in Pula, Croatia, to my friend Alex, who asked me about the radio show and said he would tune in. He actually is, and he loves the blues, so we played some music he likes. So great. But on to Cuisine de Printemps. Oui, bonsoir, Alex. Bonsoir, Alex. Yes, thanks for calling, and thanks for listening, especially. Mm-hmm. I don't know. Springtime cuisine? I don't have... Did you say you had one? Moi, j'ai une recette facile. C'est quoi? Pour des petits pois, for little peas, fresh peas are out now, and they take forever to shell them, but you can find them now on the markets, especially. Fresh peas, and you take the peas out of the pods, and you use a double boiler, or I have done it, frankly, with just one big pan, and in that pan I put leaves of lettuce, the soft lettuce, not the iceberg or anything. Le laitue. Yes. Boston. And then you put the peas in there, and tiny little onions that are just coming out now. This baby is onions. A perfect seasonal dish. A good chunk of butter, salt and pepper. And then the secret is a tiny pinch of sugar. Tiny, not, you can't taste it really. And you put a cover on it and let it over a low fire. No water in there now. It's the water comes from the lettuce leaves. Oh. And then when you think they're done, you can peek now and then, dish them up and throw away the lettuce. So you eat the peas with the onions. Oh, and interesting. Oh, it's wonderful. So what do you call this dish? Petit pois à la française. Oh, okay, okay. Petit pois. Je crois. C'est pas tellement difficile. Ça me fait penser à la recette de mon ex-mari, ma marraine. Non, c'est ça? My ex-mother-in-law? La belle-mère. Belle-mère. Tu veux dire la macédoine de légumes. Oh, j'aime bien. Avec du jambon. Oui, avec la mayonnaise. Mm. Avec des petits pois, des petites pommes de terre en cube, avec des carottes en cube. Salade anglaise avec de la mayonnaise. Oui, c'est ça. Hors d'œuvre, non? Enroulé dans le jambon. Alors maintenant, j'ai commencé à avoir faim. Désolée. C'est tu parfait n'as pas dîné? Pique-nique, ça se fait en France. Ça se fait pas ici comme à l'époque, mais pique-nique au bord de la route. On s'arrête, on mange. Quand nous sommes, once upon a time, il n'y avait pas de McDo, il n'y avait pas de petit restaurant, et c'était les mamans et les mémés qui faisaient des pique-niques. Et oui. Pour manger au bord de l'eau. Étaler une nappe sur l'herbe, et puis tout le monde mangeait assis. Pas à l'autre route, cependant. C'était plutôt dans une petite route de départementale. Départementale. Ou dans les bois. Ou dans les bois, oui. Oh, c'est bien. J'ai pique-niqué une fois à Barbizon. Oh! Dans comme la forêt de Barbizon. Ouais, c'était joli. Il y avait des grandes rochers. C'était une sorte de forêt, mais il y avait des big rocks that were just in the Barbizon forest. And I just thought it was very cool to be there and having a picnic outside. That was one of those great days of picnic. En France. Célèbre pour les peintres. Oui. L'école de Barbizon, oui. Well, il est presque... Oui, yes. Il est presque. Oui. Alors. Vous êtes à l'écoute de KFAI. 90.3 à Minneapolis FM et 106.7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul. Radio without boundaries. Il est 9h exact. Pile, oui, 9h pile ou 21h pile. 21h pile, oui. 4h du matin. À Paris, oui. Ou peut-être 5h du matin à Pula, Croatie. Croatie. C'est peut-être la même heure. Peut-être. Est-ce que c'est une heure trop à l'est. Paris et Berlin, c'est encore la même chose. Mm-hmm. Mais après, Venise, c'est la même ou non, c'est une heure. Moi, je ne sais pas si où ça coupe. Je ne sais pas non plus. Bon. Parce que Saint-Pétersbourg, ça c'est déjà une heure de différence. Ah bon. Shall we get back to the music? D'accord. C'est quoi la prochaine chanson? C'est par un artiste qui s'appelle Fefe. Ça, je crois que ça doit être une abréviation pour Raphaël. On est là. Et ça va être suivi par Jean Guidoni ou Guidoni Visage. On est où? Ok. On est où? Ok. Moi je me questionne à la troisième personne. À toi de répondre si le script t'impressionne. Je me présente ici Fefe de Noisy LESC. Tu veux mon CV, vas-y tape 2 SSC. Ancien mais nouveau, jamais dans le sens du vent. Te fais pas du mal en voulant me classer, j'ai pas de rivaux. J'ai dû avaler un rhino tellement j'insistais, j'essaie. Tout seul au milieu de ces rappeurs UGC. Aucune haine, que du love c'est mon thème. Mais vu le terrain, j'ai du boulot jusqu'à ce que l'on m'enterre. Ici Alphatar, allô la terre et j'ai la permission d'atterrir. Et de vous compter mon périple élevé au taf, passe à la crème. C'est pas chez Candy que j'ai pleuré autant que j'ai ri. Mais de l'autre côté du périph, là où passer pour une tapette parce qu'on a mal. Hein, j'ai jamais pris la pause, j'suis pas mannequin. Mais assez parlé de moi, à la première personne, passons à la troisième. Et fais péter si t'apprécies la croisière. On est où? On est là. Ok. On est là. On est où? On est là. Ok. On est là. Moi je me questionne à la troisième personne. À toi de répondre si le style t'impressionne. On est où? On est là. Ok. On est là. On est où? On est là. Ok. On est là. Plus fort. Plus fort. Tellement de facilité. Que j'en suis quasi gêné. Le style est inédit, pourtant je fais partie des aînés. Mauvais ta classique, j'assume c'est pas une rumeur. Tellement frais que même les esquimaux vont s'enrhumer. J'en entends déjà critiquer, décortiquer. Pour ceux qui te renvoient ta médiocrité, Benny Vidi Vici. Mais je suis pas César sur le trône, mon nom s'est jamais affiché. Mais j'ai tous les sésames. Comment être plus clair? Imagine-moi contre Forman en Cassius Clay. Ils ont déjà signé mon arrêt, la lutte s'annonce torride. Mais j'y croirais tant que de la foule, je serai le favori. On est où? Ok. On est où? Ok. Moi je me questionne à la troisième personne. À quoi de répondre si le style t'impressionne? On est où? Ok. On est où? Ok. Plus fort. Plus fort. Stop. Si ça touche, t'inspire. Suffit de chanter sur un lieu. C'est que de la les filles, un petit effort pour papa. Tout le monde, j'entends rien. Un petit effort, plus fort. Non, on est où? Ok, on est où? Ok, moi je me questionne à la troisième personne. À toi de répondre si le style t'impressionne. On est où? Ok, on est où? Plus fort, plus fort, on est là. Yeah. quelquefois ne pas avoir le choix, ne plus croire au destin ou s'en laver les mains. Et vos visages passent comme des photographies quand je ferme les yeux encore sous de moi-même. Vos regards sous la pluie me chantent des poèmes que je ne comprends pas et que je n'entends pas ou que je ne veux pas. Parce que tous vos visages des autres différents ne sont pas plus que ça. Ne pas savoir pourquoi, ne pas aller plus loin, rester là comme ça, rester sur sa faim. Je fume une cigarette, je bois un verre de trop, je trempe mes doigts dans l'eau et dans l'eau je me jette. Car il est loin le temps où je croyais encore qu'avec un peu de sang on soignait ses remords. Ma maison morte, j'ai peint les murs en rouge, puis j'ai fermé les portes et les fenêtres aussi, pour que jamais ne bouge, pour que jamais ne sorte ces pensées qui me tuent, marcher des invendus. Et parmi vos visages, je cherche encore le sien. Ma vie est un naufrage, mais je n'y peux plus rien. J'aime mieux mes ennemis que j'aime mes amis. Ils ont raison de moi, mais après tout tant pis. Où est-il maintenant, à l'heure où je m'endors? Et son visage passe comme une photographie. Son regard sous la pluie me chante des poèmes que je ne comprends plus et que je n'entends plus. Ma chambre morte, j'ai peint les murs en noir, j'ai cloué sur la porte les ailes du désespoir. Vos visages inconnus, mais Dieu que je les aime, je n'en choisis aucun, puis j'éteins la lumière. Se maquille et les longs cheveux des filles vivent dans ton miroir. Dans ton miroir, je ne veux pas savoir. On tourne des pages et nos regards se chargent. Il ne fait que pleuvoir sur la route. Et notre histoire s'en va. Loin de nous, loin de pouvait la retenir, elle part loin de nous, loin de tout, pour ne rester qu'un souvenir. Notre amour s'envole comme les avions d'école. Il est déjà trop tard, plus de rendez-vous. On coupe les ponts, les horloges tournent en rond. On est dans ce couloir pour vous. Et notre histoire s'en va. Loin de nous, loin de tout. Ce qui pouvait la retenir, elle part. Loin de nous, loin de ne rester qu'un souvenir. On se jette la pierre et entre c'est la guerre. On se sépare, on est seul. Et notre histoire s'en va. Loin de nous, loin de tout. Ce qui pouvait l'arrêter. si tu pouvais la retenir. Okay, well, we heard Fifi in On est là, and then he keeps on singing, where are you, où est-on, on est là, and then he sings, sing louder, on est là, we are here. Mm-hmm. But very nice, the rhythm was what, more like rap, yeah. Rap-like, then the next one, Jean, Guidoni in Visage, Faces. And he says he remembers faces, and he apparently is conjuring up some face, and he retires to his home, which he calls La Chambre Morte. Mm-hmm. He paints it red as well as it door and the windows, and shuts them and in order to see, or to, in order to expect to see this, the face, le visage. It's like a photo, but he's trying to find this particular visage of someone that he is familiar with. Mm-hmm. And the last one is Isabelle Briolet, Un souvenir, and she sings about our story, far away from you, and how she handles, being away from whoever it is that she's singing about, and to find the road, to meet him again. So, and basically, what we've seen so far is Isabelle Boulay. She is the one, she actually is, of those that we've shown so far, or heard so mm-hmm. far, she's the only one really that is well known. Is she one of the Sœurs Boulay? Yes. The Canadian, they're Canadian, yeah, right? Yes. Yes. But I mean, she is. She, her name. All the other names are not as well known, or not as they may be as good as anyone else. But she's older than that. I know Boulay is a common French Canadian name. We've given a lot of airtime to them too. Because she's had a longer career. 21 years was her first album, it says. And so this could be another one that sings. Isabelle Boulay? Not the one of the younger twins. On a les annonces. Cette semaine, il y a... Qu'est-ce qui se passe dans les villes jumelles? Quelques-unes, si je les ai. Et peut-être je ne les ai pas. Mais je sais que la plus grande chose, on annonce déjà le 14 juillet, mm-hmm. Bastille Day for us, which should be at the 14th, but this year it's going to be on the 9th because it's a Sunday at the Landmark Center where we had it last year. And we will be there. Mm-hmm. I have the honor to be the MC and DJ between the sets. Oh, really? And we'll have our table, so you can come see Bonjour Minnesota. And I think the musical guests, have they been announced? I don't think so. Usually Mark and Francine for some... Oh, Francine Walsh and... Mm-hmm. Oh yes, she is. Mark Stillman. Mm-hmm. They will be there. I'm sure. No, 14 juillet. I never say their full name. I always remember them from International Night at the Loring, which is like that's from like 25 years ago. Mark and Francine. Well, she's French Canadian. Mm-hmm. If you have any more, I'd appreciate it because I probably left them on my table tonight, the announcements. Okay, well, one thing that the French Heritage Group is promoting is on the 24th, there will be a soccer game in the university stadium. Okay. They will be watching, and they will they are invited. So, well, we will have more about this as the time comes near. And it's Marc Labine, who is I think the contact person with the French Canadian. I mean, the Franco American group. And we also need to get in touch with them, and they have come up with a number of extremely nice and well-presented books about French Canadians, about the language, about the history, which I've been away, not been able to actually contact them. But we'll do this very fast because we think they've always had interesting conversation partners we get them here. And they've done some wonderful sightseeing places out of state Minnesota and the Basilica of Mary downtown in Minneapolis by the French architect. They had visits for that. Wonderful places to visit. I'm sorry I couldn't make that one. I'd like to see that again. Which one was that? I didn't get to see Masqueray, architect. Masqueray, the architect. I went to see the Rose Ensemble perform at the cathedral. So that was... That must have been great. Oh, Olaf. We'll put some links on the Facebook page and promote the events just so that our listeners can find out about it. So in the meantime, shall we pass au chanson? Here we go. We'll play some music. We'll be right back. Salut. Idir, with La Bohème. Ar kouig raf bez man as mi ved en oa man Ma kent el ved yidi Nes ben tar dek verdan Dik se ver di kharkan E da o djiri War nik si vi mel yen wala sur di Flan nad sarif kan di tamzi Un hit sub di kusal Ur yili wig di shqal Si wake madn kini La زن آخر، اما راه بستیری. لب و هم، آسنت ل، توانت تمزی. نکی که خوز نترخیم تر نیاز شنم ولش از نخور نجی. آسنار ول میزیری. السلام زكا قد بورث سنري أدن بنتي ثمورا غنى وذكرى نبغى ندوينا كوي نتمني نتسير ذي ترقى نومن سلموزيكا دي مديازن مثل اللي لا بوهم لا بوهم ما ظفر تلقيت أكيني La bohème, oulait ce wazdah, badel jibi zoui. Thamedit nad soubou, nitqasser dug mitroumi, wakna dnaoui mansi, melmid thagli dourou, annazel sabis dourou, gdhin tsghibi. مين عين نستعفو تخمتات ابني خروبة بشي قبل سكريدي تفرارة ما تثرزو أذيث برنان الدو أبريدة تنوي لا بوهم لا بوهم بالنوبة النار أسد الفلالي لا بوهم travaillerai. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la lignée d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Assam ou l'Ifrié, Yemmichta, Dirli, Rafas, Mekni, L'Hanoussa, Zirsam, Kanani, Andam, Mugra, Thayri, Nadzar, Ghidia, Goura, Oufari, Kfa, Koulchi, Ourdi, Qimi, Nihi, Nsiyna, Nidi, Kazma. يفسي وزر السني ما يخفي وهني تسوميني عدا لا بوهم لا بوهم ضابو تمديث إني دي سمكتا لا بوهم لا بوهم ابقى تمشو غريم مزرع more announcements. Yeah, we have the UFC soccer tournament game coming up on June 24th that you can get tickets. It's going to be French night at the Minnesota United game at TCF Stadium. And your ticket also includes a meet and greet after the game with French-speaking player Jérôme Tisson. T-H-E-I-S-S-O-N. Venez nombreux supporter notre équipe de foot. So you can call the Alliance Française or visit their website to find out about that. We also have, that's June 24th. Club Vélo, the bicycle riding club, is joining on. That is June 23rd from 6 to 8 p.m. at the St. Paul Yacht Club. So that's fun. Great way to meet people et parler en français avec les autres. Et fête de la Saint-Jean-Baptiste concert with Sortilège Trad. That's at the Alliance Française, the 24 juin. Quoi d'autre? So that's the that's the Canadian, really the Canadian Saint-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, c'est presque 25. La fête... National de Québec, oui. And it'll be dedicated to playing and promoting French-Canadian traditional music. Okay. There'll be... Mais en France aussi, le 25 juin, il y a une grande fête de la musique. La fête de la musique. Il y a la musique partout, partout. Ah, j'adore la fête de la musique. Mm-hmm. Peut-être pour le Saint-Jean-Baptiste. Mm-hmm. On ne sait pas quand le fête de la musique c'est cette année. Oh, have you been there for the fête de la musique? Oui, à Paris. Uh-huh. À Paris, oui. J'ai vu James Brown. C'était génial. À la place de la République. Et les négresses vertes à Bastille. Oh, ben toi, tu savais où aller. Moi, je n'ai pas vu des artistes. Il y avait Oasis. Connus. Oh, the English group Oasis. We're playing right outside my door. Oh. Fantastic. Oh, voilà. Rock band. C'est le 21 juin. Oh, on a un appel. Hang on, we'll go back to the music and be right back. Mm-hmm. bonjour mur. Bonjour chaise. Bonjour saison de malaise qui s'achève. Travaille au noir, car le froid nous vandalise. Tu dis que l'on malade pour le restant de nos vies. Bonjour, reine. This Father's Day, we've got a present for you. We'll help you get rid of that old car in the driveway. No pennies on the dollar trade-in. No one's coming to your house for a test drive. When you donate your car to KFAI, we'll pick it up and turn the proceeds into more of your favorite programs. Plus, you'll get a tax break. Go to KFAI.org for more information. and happy Father's Day. Are you one of the 450 valued KFAI volunteers who contribute in fulfilling over 250,000 volunteer hours annually? Do you know how much we love you? If you receive the monthly newsletter, you do. The most up-to-date volunteer notifications are available to you in a monthly digest, including volunteer interviews, KFAI community involvement, and opportunities to get involved at the station. Sign up today by emailing volunteers at kfai.org to be a part of the love. What was that? Well, we heard Idir in La Bohème, and that's, of course, La Bohème, that was one of Charles Aznavour's signature songs. Mm-hmm. And he, of course, is he sings this in Kabyle. He comes from Kabyle. He's a Kabyle, meaning a northern Berber from North Africa. And he sings La Bohème. Well, La Bohème, and then the text in Berber, and then from time to time he comes in with his the entire French version. But this is very interesting. The RFI is trying to show different, especially people whom we don't know so well, and let them reinterpret other older songs. So La Bohème, of course, deals with the fact of how they were young and were having all kind of dreams and etc. And it's one of Aznavour's song. Maybe we should have it the next time we can. And then we have then the next three songs are essentially from a group from music from Montreal. And it's both English as well as French. Mm-hmm. And we've picked out the three songs that are French. And the next one, I mean, the one that we heard was Il fait noir de bonheur. It starts to get dark early. And basically, the singer, he sings about Bonjour, and then the night falls, and it's starting to fall, get dark earlier and earlier. Well, right now for us, it's getting lighter. Couple more days. Early, and then it will start to go down. Yes. So that was Avec pas de casque. The group is called Avec pas de casque, with no helmet. So one doesn't know, are these guys motorcyclists? And some of those crazy guys in Paris that zoom around on their moto and motocyclette. Yeah, this is from Montreal, so I don't know if they have. Ils font ça aussi à Montréal, ouais. So let's listen to more of their music. Here we go with Les Enfants de Beyrouth. De tous ces prêcheurs dehors, ils cherchent I'm

j'étais déjà retombé pour avoir été grand l'espace d'un miroir. Voilà qu'on s'agenouille, alors que notre espoir se réduit à prier, alors qu'il est trop tard, qu'on ne peut plus gagner à tous ces rendez-vous que nous avons manqués. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà que l'on se couche pour la moindre amourette, pour la moindre fleurette à qui l'on dit toujours. Voilà que l'on se couche pour mieux perdre la tête, pour mieux brûler l'ennui à des reflets d'amour. Voilà que l'on se couche de l'envie qui s'arrête de prolonger le jour pour mieux faire notre cours à la mort qui s'apprête pour être jusqu'au bout notre propre défaite. Serait-il impossible de vivre debout? That? Les Flamands, c'est... So we heard Jacques Brel, and of course we were playing Jacques Brel because Chouinard is going to present a play called what is the play called again? It's If It Were Only for Love, or When We Have Only Love, yes, mm-hmm. which about Brel. At the Open Eye Theater. So the last two actually kind of very interesting songs. The first one that we heard was Les Flamandes, mm-hmm. a somewhat not so flattering portrait of the Flemish girls. And basically he sings that they all dance around. They dance because they are going to find a husband, and then they're going to have children. And it's a very critical way of looking at a typical bourgeois environment. And the second one, Être debout, ou Rester debout dans la vie, is this really he really talks about how things that they instilling in you before you're 20, how you have to deal with these things, and they never let you stand up, être debout, standing up, because of all these various kind of restrictions that happen, and they kind of keep you. And this was, I think, somewhat of his history before leaving Belgium, and before his family history, and that's why he's so critical of the Flamand, but he himself has a Flemish background. Mm-hmm. So it's a hate-love relationship. When he thinks about Le Pays-Bas, oh, he knows that. It's really touching how he loves this country of the North Sea. So so we ended with. We have one more song for the evening, yes. Madeleine from Jacques Brel, and we shall wish you a good week. Au revoir, prochaine. Tout le monde, à la semaine prochaine. Wow, and we hope you have a very nice and cool week, sunny and cool for. Voici Madeleine. And here we go, à la semaine prochaine. Quand j'entends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'entends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Ce soir j'entends Madeleine, on ira au cinéma.